Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour à tous, à vous toutes. Voilà, nous sommes déjà le mardi, et puis nous sommes aussi le début d'après-midi. Donc, eh bien, voici le retour de l'émission Music Dance comme tous les mardis après-midi. Voilà donc, eh bien, les chansons sont toujours présentes, tout simplement, que ce soit l'été, l'hiver et l'automne, tout simplement, les chansons sont toujours présentes. Eh bien, je vais vous laisser avec, bien sûr, les chansons, tout simplement pour vous faire plaisir. Et voici Lio, et puis suivi de Karine Cheryl. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. J'ai l'impression qu'ils confondent. et chérie. La musique de ma vie, celle du soleil. C'est ta voix qui me dit je t'aime, je t'aime. C'est ta main dans la mienne. Oh chérie, chérie. Réveille-toi, tout en douceur.

c'est pour lui que t'as décidé d'avaler la clé. Déchaîne-moi, j'ai une interview, je te quitte en m'attend. C'est l'heure des visites, j'envoie une cagite, le drapeau blanc. Tes cheveux qui se dévinent, j'en voyais pas la fin. On n'a que demi-mine, un petit creux de main. Reviens donc me déchaîner, ou je te mets en colère. Après nos années d'or, me recoller au fer. Qui sait mal accroché. Dire que c'est pour lui que t'as décidé d'avaler la clé. Déchaîne-moi, fallait m'achever, pas me faire prisonnier. Ça m'est hors de toi de savoir t'es parti avec le geôlier. Je vais pas me faire prisonnier. Je veux plus d'avoir la boule au cœur et au pied. Allez, viens, mon pied, au pied. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Trees, they be singing so happily. Oh, joy! Elle et moi, au milieu de la foule et des combats. face aux flammes déçues. Et je veux tout gagner pour elle, ses fruits défendus. Quand elle me dit qu'au paradis, un Dieu n'attendait que nous. Moi je me dis que par ici, même l'enfer me serait doux. Esse momento que existe em si.

Thank you.

Mathieu. Et puis, juste après Myriam et Mathieu, on écoutera tout simplement Julio Iglesias. L'hiver est là. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Les hommes pauvres et diables, avec des milliers de roses, on vous adore. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On sait quoi quoi les mots, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Dès qu'un homme vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On est fou des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous les chames, vos sourires nous affirment, nous désarment. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Au soleil, et si ma ronde autour du monde me séduit, un grand bonheur est dans mon cœur quand je dis je t'aime en français. Car il nous fait tout oublier. Mais moi je t'aime est la plus belle clé du monde pour enfermer brunes et blondes. Si maintenant j'oublie mon île, et si les brunes ou bien les blondes me sourient, un grand bonheur est dans mon cœur quand tu dis je t'aime en français. Un grand bonheur qui me fait peur car il me fait tout oublier. Mais ton je t'aime. Je m'ennuie de toi dans ce petit café où l'on s'était juré de ne jamais se quitter. Je m'ennuie de toi. Je bois pour oublier que tu es parti avec mon meilleur ami. J'en rêve, j'en rêve, j'en crève. Mais pourquoi, moi qui n'avais plus que toi, dis-moi, tu es parti avec lui, avec lui. Et pourtant, je le sais, qu'un jour tu reviendras. Mais pour moi, désormais, c'est fini. J'en rêve, j'en rêve, oh oui, j'en crève. Mais pourquoi, moi qui n'avais plus que toi, dis-moi, tu es parti, tu es parti. Et je m'ennuie, et je m'ennuie. Et pourtant, chaque nuit, je serre fort contre moi l'oreiller, comme si c'était toi, c'était toi. Et pourtant, je le sais, qu'un jour tu reviendras. Mais pour moi, désormais, c'est fini. J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Mais pourquoi, moi qui n'avais plus que toi, dis-moi, tu es parti, tu es parti, et je m'ennuie, et je m'ennuie. Arc-en-ciel. Voici donc le country, et puis juste après Axel Red. Rain dripping off the brim of my hat, sure is cold today. Here I am walking down 66, wish she hadn't done me that way. Sleeping under a table in a roadside park, a man could wake up dead. But it sure seems warmer than it did, sleeping in our king-sized bed. Is anybody going to San Antonio or Phoenix, Arizona? Any place is all right as long as I can forget I've ever known her. Wind whipping down the neck of my shirt like I ain't got nothing on. But I'd rather fight the wind and rain than what I've been fighting at home. Yonder comes a truck with the U.S. mail, people writing letters back home. Tomorrow she'll probably want me back, but I'll still be just as gone. Is anybody going to San Antonio or Phoenix, Arizona? Any place is all right as long as I can forget I've ever known her. vrai que la semaine est longue à pas se voir avant le week-end. J'ai changé de job pour ma blonde, j'ai le goût de son haleine. Mon téléphone à chaque soir, j'ai tellement hâte de la revoir. Et quand j'arrive du travail, elle m'arrache mon chandail. Vendredi on fait l'amour à grands coups de je t'aime en quarantaine à chaque jour. Pendant toute la fin de semaine, c'est le temps des mamours, d'être doux, d'être chrétienne. Chaque minute je le savoure au fond de sa caverne. Vendredi on fait l'amour, on fait l'amour. Vendredi on fait l'amour. Encore une semaine qui commence, plus que cinq jours d'abstinence. Je sens déjà tout croche, j'suis encore dur comme une roche. Elle m'envoie sur le cellulaire des photos d'elle en brassière. Si ça continue comme ça, vendredi je rentrerai pas. Vendredi on fait l'amour à grands coups de je t'aime en quarantaine à chaque jour. Pendant toute la fin de semaine, c'est le temps des mamours, d'être doux, d'être tête. Chaque minute je savoure au fond de sa caverne. Vendredi on fait l'amour, on fait l'amour. Vendredi on fait l'amour. Bon vendredi, c'est là que je me suis fait poigner. À lui jaser sur l'ordi, elle était déjà déshabillée. Mon congédié sur le chat, sans avoir de recours. Elle qui m'attend sur le divan pour que je lui fasse l'amour. Vendredi on fait l'amour à grands coups de je t'aime en quarantaine à chaque jour. Pendant toute la fin de semaine, c'est le temps des mamours, d'être doux, d'être quétaine. Chaque minute je savoure au fond de sa caverne. Vendredi on fait l'amour, on fait l'amour. Vendredi on fait l'amour. C'est ainsi, oh. Un jour on dit qu'on a peur, un jour on danse pendant des heures, yeah. C'est ainsi, mais que cherches-tu ailleurs, que tu n'as pas ici. Tout y est beau, gratuit, tu serais surpris. Malheureux tu te dis, malheureux tu seras. Qu'on s'exile sur une île, loin d'une ville, dans un bois. Un jour on meurt, hey. temps-ci, ces temps-ci. Un jour on vit dans la peur, un jour on danse pendant des heures et des heures. C'est ainsi, c'est ainsi. Mais à l'heure de ton départ, tu hésites encore. Il fait sombre, personne ne sort. Tu te tiens fort dans un monde heurté où tu ne peux pas rester. Tu écoutes, ça te coûte, mais la route est tracée. C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Tout en couleur. Voici donc Alain Chousson, et puis juste après lui, c'est Jérôme. Avec des tout dans les magazines, nouvel homme tweet des fiches cuisine, amener les jartels, les barésies, les sexy dentelles, les talons aiguilles. Mais si je dis ça, je casse mon image, ce serait dommage. Mais si je dis ça, je casse mon image. Ce serait dommage d'être au chômage à mon âge. Je veux du cuir, pas du pipe chaud du vécu. Je dépense la débrouille. Je veux du cuir, ça décharge des Suzy Q. Ça décharge des Suzy Q. Arrachez ce coup, vos pulls.

positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc du rock et puis juste après Catherine Nara. I was lost in France, in the fields the birds were singing. I was lost in France, and the day was just beginning. I just stood there in the morning rain. I had a feeling I can't explain. I was lost in France. I didn't care. au pays des matins calmes, pas un bruit nous sauve. Rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais, j'aimais quand je t'observais. J'étais l'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. Des nuits sans voir le jour, à se tenir un jour. Des mois à ses pieds, passés à ton tour, de s'endormir hanté, ne plus savoir. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. Sais-tu que la musique, sais-tu? Sais-tu qu'un salaud a bu l'eau du nénuphar? L'honneur, tu l'as perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. Je suis la rockeuse de diamants. Je suis la rockeuse de ciel. Voici donc qui vient du disco. Yeah. panique, hystérique, satanique, c'est pas possible. Take it as so. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith. Tu me quittes une heure, je suis mort, je n'ai plus ni cœur. presque tout mon sommeil. Avec simplicité, il y a ton orage dans l'air, il y a ton sourire sur ma mer, il y a ton éclair, ton électricité. Battre tambour, fleur qui fait mon cœur moins lourd, c'est toi qui l'as semé. Avec simplicité, et je sais pour qui désormais le soir j'ai envie de chanter. Parfum doux amer, cette pure au cœur du désert. Il y a chaque nuit sur mes nerfs cette éventualité de ta simplicité. Voici donc eh bien, Philippe Lafontaine, et puis juste après ce sera Céline Lomez. Sans que je lui plaise, sous le fil de l'emballage, la lubie de fond filé, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si frénésie sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Le temps de mentir, ni de quitter la scène.

je t'en supplie, j'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi, oh mon amour, ne me quitte pas. Ils se sont séparés sur le quai du se sont éloignés dans un dernier regard. Oh, je t'aime, ne me quitte

Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Belles histoires dans le noir, impossible de tout prévoir, pour une seconde, une heure, un soir. Faire fi de tous les interdits, doucement me glisser dans ton lit, laisser du temps aux sentiments. Et puis les années font le reste, on est bien loin de nos 16 ans, à chaque instant, à chaque geste, de la douceur il y en attend. Même si parfois le corps proteste, le cœur toujours aussi vaillant, chaque danse souligne nos gestes, le goût de nos premiers printemps. De belles histoires dans le noir guident nos mains si tendrement, pour une seconde, une heure, un soir. Faire fi de tous les interdits, de mots sauvages, de non-dits, savoir s'aimer sans compromis. Penser les années qui nous restent, on est bien loin de nos 16 ans. À chaque instant, à chaque geste, de la douceur il y en a tant. Même si parfois le corps proteste, devant nous de nouveaux printemps. histoire dans le noir, parce qu'il n'est jamais trop tard lorsque se croisent nos regards. Faire fi de tous les interdits, ensemble écrire nos envies, l'impossible en seul défi. On sait les années qui nous restent, on est bien loin de nos 16 ans. À chaque instant, à chaque geste, de la douceur il y en a tant. Précieux souvenirs d'adolescents, devant nous de nouveaux printemps. De belles histoires dans le noir, parce qu'il n'est jamais trop tard, pour une seconde, une heure, un soir. Voici donc en duo, voici 21 juin, donc en duo, et puis juste après, ce sera une chanson portugaise. C'est de jolies flammes à rallumer, mais on est deux, et c'est le jeu. Je serai là pour assumer mon rôle. Il y aura les crises, il y aura le temps, il y aura des moments. Mais je serai là, rassurée sur ton épaule, tant qu'il y a tes bras, tant que tu me frôles. Si je t'avais pas, je perdrais la douleur du monde. Toi, si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce goût-là. Et moi, si je t'avais pas, le ciel aurait paru plus sombre pour moi. Et si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce goût-là. J'ai connu des galères, c'est vrai, des chansons que j'ai pas chantées, je l'ai pas volé. Toi, t'es mes ailes. J'en ai vu passer des villes, tu sais, de beaux endroits où habiter, mais pas sans toi. Toi, t'es mon île. Je serai là pour assumer mon rôle. Il y aura les crises, il y aura le temps, il y aura les moments. Mais je serai là, rassurée sur ton épaule, tant qu'il y a tes bras, tant que tu me frôles. Toi, si je t'avais, je perdrais la douleur du monde. Toi, si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce goût-là. Et moi, si je t'avais pas, le ciel aurait paru plus sombre pour moi. Et si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce goût. Il y aura des doutes, il y aura les parents, il y aura les disputes et nos jeux d'enfants. Il y aura des sourires, il y aura de la paresse, il y aura du soleil et de la tendresse, des amis autour, toujours de l'amour. Toi, si je t'avais pas, je perdrais la douleur du monde. Toi, si je t'avais pas, tout n'aurait pas ce goût, tout n'aurait pas ce goût. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Meu coração tem bem guardado o teu lugar. Quero estar contigo. É tudo o que eu mais quero e te dou. Eu quero que tu sintas que és a minha vida. No teu abraço tenho a chave do amor. Quero estar contigo.

combat. Et la fin du cantique vient la profonde Oh, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Voilà donc, avant de réécouter bien sûr les chansons, avant d'écouter son chrono et puis Samantha Fox juste après, voici donc bien les émissions pour aujourd'hui et demain. Voilà donc, à partir, eh bien, vous allez retrouver tout simplement deux Christophe différentes. Le premier, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Electric Shock. Et puis, le deuxième Christophe avec Electro Live entre 21h jusqu'à 23h. Et puis demain, seront mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor. Et puis l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, Gloria. Et puis entre 18h et 19h30, voilà, pardon, avec Violette. Sable de la reine et fait vibrer la foule barbare inhumaine. Ce sang rouge qui jaillit comme l'eau des fontaines du taureau accroupi sous l'acier madrilène. Et puis le sang versé hier à Tiananmen qui a éclaboussé aux mémoires de la mienne. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Entre ce sang qui coule sur le flanc des baleines, harponné dans la houle, décimé par centaines. Celui des loups, des ours, dans les steppes lointaines, abattus dans leur course pour une vie sans chaîne. Et le sang qui rougit, la peau de porcelaine de ces enfants d'Asie, birmanes, tibétaines. Comme une étrange ressemblance, même douleur, même peine. Comme une étrange ressemblance, même couleur d'où qu'ils viennent. Thank you. Voici donc Jane Marking, et puis juste après, ça sera en duo Elsa. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moons, des blues? Séparés, McCartney, George Harrison et Ringo Starr. John Lennon. Ex-femme des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-femme des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues tout tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis. Cette chanson-là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc eh bien la semaine prochaine, ainsi qu'on va se retrouver en fin de semaine aussi, vendredi. Voilà donc, eh bien j'espère que vous avez passé bon après-midi avec les chansons variées que vous avez pu entendre. Voilà donc, eh bien nous on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine. Voilà donc, eh bien je vous dis bon soir à tous et à toutes. Dans ce que